Et c'est donc demain la journée mondiale de lutte contre le cancer. Si la lutte contre le cancer eh bien, progresse de façon évidente, si le taux de rémission est en constante augmentation depuis plusieurs années, si de nouvelles thérapies comme l'immuno- ou l'hormonothérapie ont des résultats parfois spectaculaires sur certains types de cancers précis, nous avons voulu aujourd'hui nous intéresser aux autres cancers, ceux qui résistent, ceux qui rechutent, ceux qui provoquent des échappements thérapeutiques, ceux contre lesquels il est le plus difficile de lutter. Pourquoi ces cancers ne se soignent-ils pas ou mal? Que fait la recherche pour avancer dans le traitement de ces tumeurs récalcitrantes? Cancer résistant, que peut la science? C'est le programme Tenace qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer toutes ces questions, comprendre pourquoi certains cancers résistent au traitement, quelles sont les pistes de recherche pour contourner ces résistances, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Caroline Robert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy et à l'Université de Paris Sud, co-directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome à l'INSERM et Fatima Mechta-Grigoriou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de recherche INSERM, responsable de l'équipe stress et cancer à l'Institut Curie. Mais on commence par le tour de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Triou et le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et pour commencer ce journal, on fait le point sur l'épidémie de Covid-19. Selon le gouvernement britannique, le variant anglais continue de muter. Alors ce ne sont que des informations préliminaires, mais selon les documents officiels de l'agence sanitaire anglaise, à la mi-janvier, sur 214 000 échantillons du variant séquencés génétiquement, 11 échantillons ont acquis une nouvelle mutation. Une mutation que l'on connaît déjà, puisque c'est exactement la même que l'on observe sur le variant sud-africain et brésilien. Elle est connue sous le nom de E484K, une mutation sur le 484e acide aminé de la protéine Spike. Des études en laboratoire ont montré que E484K pourrait aider le virus à échapper à la reconnaissance des anticorps. Par ailleurs, les essais cliniques de Novavax et du laboratoire Johnson & Johnson montrent que le variant d'Afrique du Sud fait chuter l'efficacité de leur vaccin. Néanmoins, cela ne signifie pas pour autant que le variant anglais est devenu un virus plus contagieux et plus résistant. Rien ne le prouve. Cette mutation n'a peut-être pas les mêmes effets sur la souche britannique que sur la souche d'Afrique du Sud. Et on continue évidemment à suivre de très près l'évolution de la recherche sur le Covid-19. Pas uniquement celle des mutations, également celle de la vaccination. Bref, toutes les informations, c'est retrouvé tous les jours dans le Journal des Sciences, ainsi que sur notre fil Twitter, @laméthodefc, et sur le site de l'émission franceculture.fr. Et on passe au bref. Selon l'Institut National du Cancer, en 2020, le nombre de nouveaux diagnostics de cancer a chuté de 23,3%. Alors cela ne signifie pas que les gens sont moins malades, cela signifie juste qu'ils sont moins diagnostiqués. Les deux confinements ont sérieusement freiné le dépistage des cancers ainsi que la prise en charge des patients. Avec des accès aux soins difficiles, les IRM, les scanners, les coloscopies, tous ces examens de suivi et de dépistage ont chuté l'an dernier. Ce retard fait craindre une surmortalité à venir. Plus un cancer est diagnostiqué tôt, plus les chances de survie augmentent. L'Institut National du Cancer ne cesse de le répéter, n'arrêtez pas de consulter. Voilà, puis on va demander une petite réaction à cette information à nos deux invités compte tenu du thème du jour, les cancers résistants. Toujours en bref, Natacha, une étude parue dans Nature Communication décrit la découverte en Antarctique d'un minéral rare sur Terre, mais très répandu sur Mars. Oui, une équipe internationale a analysé une carotte de glace extraite à 1 km de profondeur. Avec surprise, les chercheurs ont identifié un minéral jaune-brun, de la jarosite. Très rare sur Terre, on en trouve en abondance sur Mars. En 2004, le rover Opportunity en avait découvert dans différents endroits. Mais on ne comprend pas bien la présence de la jarosite dans des sédiments martiens. On pense que ce minéral s'est formé dans des poches de glace qui contenaient aussi de petites quantités de poussière. Jusqu'à présent, ce processus géochimique n'avait jamais été observé ailleurs. C'est en tout cas ce qui s'est produit dans les glaces de l'Antarctique. Cette découverte terrestre éclaire donc ce phénomène martien. Et enfin, la NASA a réussi la première greffe végétale dans l'espace. Et depuis 2018, l'ISS mène l'expérience Végie, qui consiste à faire pousser dans un environnement spatial des laitues, des moutardes et même des radis. Sur de petits coussins d'engrais, des plants de différentes variétés de laitues ne se portaient pas très bien. Un astronaute a donc transplanté des pousses de plantes en bonne santé sur ses oreillers en difficulté. La greffe a fonctionné, les plants de choux frisés et de choux chinois survivent et grandissent. Ils poussent même mieux que sur Terre. La microgravité semble faire des merveilles. Une partie de la plantation sera renvoyée sur Terre pour être examinée. Pour le jardinage spatial, cette expérience est peut-être une aubaine. Merci beaucoup Natacha, et à vendredi, puisque demain c'est une mission spéciale, je vous le rappelle, avec l'astrophysicien vulgarisateur Neil deGrasse Tyson. Donc pas de journal des sciences demain, mais on vous retrouve vendredi pour le journal des sciences de la semaine. Comme je le disais à l'instant, peut-être une réaction à cette chute du nombre de diagnostics selon l'Institut National du Cancer en 2020, Caroline Robert. Oui, je pense que comme l'a dit la personne qui parlait, c'est très probablement lié au fait que les gens vont moins, sont un peu plus inquiets de sortir, d'aller à l'hôpital, et ça m'étonnerait vraiment qu'on en diagnostique moins, franchement. Non, bien sûr, c'est vraiment plutôt certainement lié effectivement à une chute de diagnostic. Ça pose la question plus généralement de la suite ou du suivi des soins d'autres pathologies dans un contexte général de pandémie, Fatima Mechta-Grigoriou. Oui, je pense que vous avez tout à fait raison d'insister sur ce point. C'est très important, la prise en charge des patients. C'est vrai que moi, je ne suis pas tout à fait aussi à même d'en parler que Caroline ou que les médecins qui prennent en charge nos patients. Mais c'est évident que ça peut être potentiellement un réel problème, ce défaut de prise en charge. Surtout si les patients, en fait, craignent eux-mêmes soit de se faire vacciner, soit de venir à l'hôpital. Donc, je pense que l'impact, en fait, ou en tout cas le fait que les patients puissent maintenant avoir accès à la vaccination est un point extrêmement positif et qui, je l'espère, va améliorer leur état et leur prise en charge. Bien sûr, et on ne redira jamais l'importance, et on va en reparler certainement, du diagnostic précoce, notamment pour le cancer, pour un tas de maladies, mais pour le cancer, puisque c'est la maladie qui nous occupe aujourd'hui. Donc on va redire ce que recommande l'Institut National du Cancer. Ne cessez pas d'aller consulter si vous avez un doute ou un petit problème. Ce n'est pas parce qu'il y a du Covid dehors qu'il faut s'empêcher d'aller chez son médecin. Allez donc consulter. Bref, nous parlons donc aujourd'hui du cancer, plus précisément des cancers résistants, puisque je vous rappelle que c'est demain la journée mondiale de lutte contre le cancer, le 4 février. Le cancer qui représente aujourd'hui en France la première cause de décès chez l'homme et la deuxième chez la femme, selon les chiffres de Santé publique France. Chaque année, le nombre de nouveaux cancers est estimé à 382 000, ce qui fait tout de même plus de 1000 cancers diagnostiqués chaque jour dans notre pays, dont 54% chez l'homme. C'est le cancer de la prostate qui est le plus fréquent chez l'homme, devant celui du poumon et le cancer colorectal, le cancer du sein chez la femme devant le cancer colorectal, puis celui du poumon. Et en termes de gravité, eh bien c'est le cancer du poumon qui est responsable du plus grand nombre de décès, celui du sein chez la femme, le cancer du poumon chez l'homme, pardon. Voilà quelques chiffres épidémiologiques sur l'incidence du cancer en France, un cancer que, comme je le disais tout à l'heure, que l'on traite mieux, les chiffres de rémission et de survie à 5 ans sont en progression. La preuve en est, retour 70 ans en arrière où la situation était évidemment bien différente. Est-ce que grâce à la chirurgie et dépister en temps utile, le cancer a une chance d'être vaincu, définitivement ? Oui, oui, ça dépend des cancers. Il y a des cancers qu'on peut vaincre quand ils sont dépistés précocement. Et puis alors, il y a des cancers qu'on dépiste très difficilement de façon précoce. Un cancer profond peut être dépisté très difficilement. Et nous n'avons pas actuellement de tests qui nous permettent de dépister à coup sûr un cancer profond. Mais enfin, quand un cancer est dépisté, on peut, disons souvent, le guérir. La lutte contre le cancer met en valeur, je crois, l'importance de la chirurgie. Est-ce que vous pourriez nous dire, à cet égard, quel rôle joue actuellement la chirurgie dans la lutte contre la maladie ? Un rôle extrêmement grand, et il est assez curieux de noter à cet égard qu'il y a une trentaine d'années, je crois, le grand chirurgien Jean-Louis Faure, dans un très bel essai qu'il avait intitulé « L'âme du chirurgien », avait développé cette idée que la chirurgie allait peu à peu disparaître devant les empiétements, devant les envahissements de la médecine. Il disait, le jour où on aura vaincu, par exemple, le cancer, eh bien, la chirurgie n'existera plus. Or, cette prophétie de Jean-Louis Faure ne se vérifie pas, car, tandis que la chirurgie régressait sur certains points, elle gagnait d'autres domaines. Monsieur Rostin, est-ce qu'un indice quelconque vous permet de penser, en ce qui concerne le cancer, que le remède de celui-ci sera trouvé prochainement ? À vrai dire, non pour l'instant, mais enfin, il n'y a aucune raison pour que d'ici 15, d'ici 20 ans, le cancer ne soit pas vaincu, soit par un nouvel antibiotique, soit par un autre produit chimique. Il y a donc là un très grand espoir, monsieur Rostand. À mon avis, c'est plus même qu'un espoir, c'est presque une certitude. Voilà, Jean Rostand, célèbre biologiste en 1953. Une réaction, Caroline Robert, à ce que vous venez d'entendre ? C'est intéressant, hein, parce que la chirurgie, on est encore en train de se dire, est-ce que la chirurgie va disparaître ou pas ? Je dirais qu'elle disparaît pas, mais elle prend une autre place. C'est-à-dire qu'on a des traitements qui sont plus efficaces, des traitements systémiques, hein, des traitements qu'on administre par voie orale ou intraveineuse, qui vont partout. Et la chirurgie devient une aide quand le traitement systémique ne marche plus. Bon, il y a toujours le cancer initial qui souvent est traité par chirurgie, mais là, on parle des résistances. En fait, on parle du cancer métastatique. Hein. Mm-hmm. C'est ça le problème. En fait, si le cancer ne donnait pas de métastase, ce serait pas une maladie embêtante. Il n'y aurait pas beaucoup de problèmes. Voilà. Et s'il n'y avait pas de résistance thérapeutique, ce serait pas non plus une maladie embêtante. Donc, tout le problème, c'est ça. Il y a quelques rares cancers qui donnent pas de métastases. C'est rare. Bon, ça peut poser des problèmes locaux si on les laisse avancer trop longtemps. Lesquels, par exemple? Ben nous, en fait, le plus fréquent des cancers, on l'oublie tout le temps, le plus fréquent en réalité, c'est le carcinome basocellulaire. C'est pas le cancer de la prostate. Mais ce carcinome basocellulaire, c'est le cancer de la peau. Et d'ailleurs, on l'oublie tout le temps parce que c'est un cancer qui donne pas de métastases. Ou alors, c'est très exceptionnel. C'est hyper fréquent, c'est sur le visage des gens, surtout quand ils sont âgés. On les enlève, mais parfois, ils sont gros parce qu'on les a laissés pousser ou ils sont mal placés. Et là, on a des traitements maintenant, des traitements ciblés ou des traitements par immunothérapie. Mais ces cancers-là, ils sont quand même pas les plus problématiques. Donc si on a un cancer qui donne des métastases, on va parler du phénomène de résistance, de persistance. Mmh. Ça, je pense que c'est extrêmement important à expliquer au public, parce que les gens tombent toujours des nues quand on voit apparaître des métastases alors que le cancer a été enlevé très longtemps avant. Ben, en fait, c'est tout le problème, c'est de savoir comment donner des traitements qui vont vraiment décimer définitivement les cellules cancéreuses. Mmh. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire, en fait. Mmh. Fatima Mechta-Grégoriou, peut-être un mot sur la progression du soin. Comme je le disais aujourd'hui, les chiffres sont vraiment plutôt encourageants. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point justement sur les rémissions, la survie à 5 ans ou des choses comme ça, sur le fait que finalement aujourd'hui, quand même, on sait, on soigne les cancers de mieux en mieux. Ah oui, c'est exactement, c'est extrêmement intéressant ce que vous dites au regard aussi du reportage qui vient d'être diffusé, parce qu'on voit en fait bien qu'on a une bien meilleure compréhension des cancers. C'est-à-dire qu'en fait, on sait maintenant que même pour une même localisation, il n'y a pas un cancer, mais des cancers, et que pour un même type de cancer, il existe vraiment une hétérogénéité entre les patients, et que les thérapies ciblées ont pour but de proposer au patient un traitement qui va être adapté aux anomalies de la tumeur qu'il a. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que ça a mis un peu fin, entre guillemets, à ce qu'on pouvait appeler les résistances primaires, où quand tous les patients étaient traités de la même façon, finalement, tous les patients, par exemple, atteints de cancer du sein, quand ils étaient tous traités de la même façon, bien entendu, ça posait un problème. Or, maintenant, la recherche et la clinique ont identifié différents types moléculaires de cancer du sein, par exemple, et il y a une bien meilleure il y a une adaptation de l'arsenal thérapeutique en fonction du type moléculaire de cancer du sein, par exemple. Juste pour vous donner, il y a 70% de cancers du sein qui sont qu'on appelle luminaux, qui sont positifs aux récepteurs hormonaux et qui tirent un bénéfice des traitements d'hormonothérapie. Mmh. Il y a environ 15% de traitements qui sont de patientes qui sont atteintes de tumeurs dites HER2, dans lesquelles il y a une amplification du gène RBB2 et qui sont traités par une thérapie ciblée qui s'appelle l'herceptine. Il y a environ 15% de patientes qui ne présentent ni ces récepteurs hormonaux ni cette amplification de RBB2 et qui sont dit triple négatif et qui sont traités par de la chimiothérapie. Mmh. Donc l'adaptation du traitement a quand même permis largement l'amélioration en fait de la prise en charge et donc la survie, qui pour les patientes luminales et HER2 est bien meilleure qu'elle n'était il y a quelques années. La survie des patientes triple négative étant de 85% en majorité à 5 ans. Donc il y a quand même vraiment une très très bonne prise en charge maintenant. Mmh. Donc c'est vraiment aussi ce message-là qui, je pense, est important en fait de faire entendre aux auditeurs, c'est que les connaissances de ces cancers et de leurs différences permettent maintenant une meilleure prise en charge. Et pour ceux pour lesquels on n'a pas une bonne prise en charge et qui développent des résistances secondaires, je pense qu'on va aborder cette notion-là très bientôt, ben c'est ceux-là sur lesquels il faut qu'on travaille. Aux auditeurs et aux auditrices, en l'occurrence, surtout. Oui, pardon. Voilà. Peut-être juste un mot, parce qu'on l'a dit, mais je pense que c'est vraiment là aussi un message important, l'amélioration de la prise en charge des cancers, très rapidement, Caroline Robert, avant qu'on rentre vraiment dans le dur de notre sujet, elle est aussi liée à de meilleurs dépistages et des diagnostics de plus en plus tôt, et on ne le répétera jamais assez, plus le diagnostic est posé tôt et plus les perspectives et le prognose est vraiment bon à 4, oui. 5 ou 6 ans. Oui, c'est sûr que... Mais ça peut paraître une évidence, mais je pense qu'il faut le répéter. Un diagnostic posé tôt, mais aussi posé tôt grâce à la prise de conscience des patients, notamment moi je m'occupe du cancer de la peau, c'est des choses qu'on peut voir en fait. Et donc il y a beaucoup d'efforts pour que les gens se regardent leur peau et ils peuvent vraiment, nous on dit connaître sa peau pour sauver sa peau. Enfin, quand on voit quelque chose d'un peu bizarre sur sa peau, il faut pas attendre que ce soit gros et que ça saigne pour aller consulter. Donc c'est prise de conscience du patient. Il y a une grande modification de la relation entre le patient et le médecin du fait de l'éducation très très sophistiquée maintenant des patients. Les patients arrivent, ils connaissent notre CV, ils connaissent la littérature, ils connaissent beaucoup de choses, en partie sûrement grâce à des émissions comme les vôtres. Et c'est génial pour nous, parce qu'on est vraiment dans une alliance thérapeutique et on dit voilà, on va se battre contre le cancer. Mais je pense qu'il y a une chose qu'il faut bien faire réaliser, et c'est toujours très difficile et très douloureux. On vous enlève un cancer du sein, un cancer de la prostate, un cancer du poumon, et après on vous dit le scanner est bien, il n'y a rien. Mais on vous dit on va vous surveiller pour être sûr que tout va bien. Et quelquefois, et en fait souvent, et le plus souvent, les gens n'ont pas compris, ou peut-être on leur a pas dit, ou pas assez bien, ou alors ils n'ont pas voulu l'entendre, que c'est pas parce qu'il n'y a plus rien au scanner qu'il n'y a plus de cellules cancéreuses. Et c'est ça le gros problème. Et moi je m'occupe du mélanome, c'est des tout petits cancers, souvent qui font moins d'un millimètre, et quelquefois 20 ans après, la personne arrive et on voit une métastase dans le poumon ou dans le foie, et c'est terrible, et on tombe des nues. Et c'est là-dessus que beaucoup de chercheurs travaillent, dont nous et plein d'équipes. On essaye de comprendre pourquoi les cellules peuvent dormir, pourquoi les cellules peuvent répondre au traitement, on voit plus rien au scanner, à l'IRM, enfin tout ce qu'on peut faire, et que après ça se réveille. Et c'est très complexe, il y a plein de mécanismes en cause, et c'est là-dessus qu'on travaille, parce que c'est ça la résistance en fait. Et c'est ce dont nous allons parler, on le rappelle, vous le dites, c'est vrai pour surveiller sa peau, c'est vrai pour surveiller le reste de son corps, on va pas le faire organe par organe, mais voilà, soyez prudents et contribuons ensemble, et merci pour votre commentaire, certainement grâce à cette émission, à une conscientisation des auditrices et des auditeurs, et à une attention justement pour permettre ces diagnostics précoces qui changent quand même beaucoup la prise en charge de la maladie. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 déjà, nous parlons des cancers résistants tout au long de cette heure en compagnie de Caroline Robert et Fatima Mechta-Grigoriou. Peut-être Fatima Mechta-Grigoriou, on va rentrer dans le vif du sujet. À quel moment peut-on commencer à dire d'un cancer qu'il est résistant? Parce qu'en fait, quand on parle de cancer résistant, on parle de deux choses vraiment très distinctes. Oui, en fait, je pense que ça, c'est une notion qui est importante aussi. C'est la différence entre les résistances primaires et les résistances secondaires. Bon, les cellules cancéreuses, maintenant, je pense que tout le monde le sait, sont porteuses d'altérations génétiques, et le but des traitements, c'est vraiment bloquer cette croissance et la propagation, en tout cas en interférant avec les anomalies moléculaires qui ont été identifiées et qui sont à l'origine de la multiplication et de la dissémination des cellules cancéreuses. Et si certains patients tirent un bénéfice immédiat du traitement, chez d'autres, le traitement se révèle soit inefficace d'emblée, et donc dans ce cas-là, on parle de résistance primaire au traitement, et une analyse vraiment moléculaire est absolument requise, soit il arrive aussi que la maladie progresse après quelques mois ou quelques années de traitement, comme vient très bien le décrire Caroline, et cela signifie que le médicament n'est vraiment plus efficace pour contrer la maladie, ou même après plusieurs années, on parle alors de résistance secondaire au traitement. Et dans ce cas-là, dans le cas en fait d'une résistance secondaire au traitement, quand le patient a commencé à répondre, mais que malheureusement il y a une récidive locale ou à distance, dans ce cas-là, les cellules, ça veut dire qu'elles présentent une certaine plasticité. Mmh. Et les cellules tumorales sont vraiment capables de se modifier. Elles ne restent pas inertes, elles sont en constante évolution. Elles sont malheureusement capables de s'adapter, on va dire un peu de façon darwinienne, comme en particulier, évidemment, quand elles sont sous une certaine pression de sélection, comme lors du traitement. Liée au médicament, la pression de sélection, bien sûr. Voilà, absolument. Et du coup, en fait, il y a une capacité, en fait, de cette cellule pour survivre à essayer, en fait, de faire apparaître des nouvelles mutations, notamment, et donc ces résistances, donc, peuvent survenir lorsque la cible du médicament est modifiée. Donc, on peut avoir des nouvelles mutations dans l'ADN des cellules tumorales qui vont limiter l'efficacité du traitement initial. On peut aussi avoir d'autres voies de signalisation sans forcément avoir de nouvelles mutations, mais d'autres voies de signalisation, en aval de l'ADN, qui permettent aux cellules tumorales de proliférer indépendamment en fait, de la cible du médicament. Et ces voies-là peuvent devenir parfois prépondérantes et donc rendant le traitement que l'on donne à l'instant T au patient qui est inefficace. Et c'est cette adaptation aussi, et le traitement doit s'adapter aussi à cette évolution-là. Bien sûr, et ça aussi c'est quelque chose de très important. On va revenir sur ces différentes formes d'adaptation ou de résistance qui se passent au niveau de la cellule tumorale, et je pense que ce que vous venez de dire est important, Fatima Mechta Grigoriou, parce que parfois les patients ne comprennent pas pourquoi d'un seul coup on va changer leur médicament en cours de traitement, on va en rajouter un, on va en enlever un, et on va revenir là-dessus précisément, parce que je pense que c'est très important. Mais avant peut-être, Caroline Robert, j'aimerais qu'on dise quelque chose, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que l'on comprenne bien, que nos auditrices et nos auditeurs comprennent bien aussi dans la lutte contre le cancer. C'est qu'il y a aussi, on l'a dit, et Fatima Mechta Grigoriou le disait tout à l'heure, une hétérogénéité très grande, déjà des tumeurs elles-mêmes, c'est-à-dire que ça n'est pas parce que telle personne de votre famille a eu un cancer du sein que celui que vous allez avoir est le même, il y en a donc différentes. Et par ailleurs, il y a une énorme hétérogénéité à l'intérieur même de la tumeur, ça n'est pas juste un type de cellule qui va commencer à dysfonctionner, mais d'un seul coup tout un ensemble de cellules, tout un réseau tumoral auquel il va falloir s'attaquer, eh bien type de cellule par type de cellule en quelque sorte. Ouais, c'est très juste d'ailleurs, c'est très juste ce que disait Fatima, cette plasticité, c'est très important. Et on est dans un, en fait, on peut pas considérer la cellule tumorale de façon isolée. Pourquoi un patient qui a eu des cellules qui ont forcément, on le sait, circulé dans son sang, circulé dans ses vaisseaux lymphatiques, pourquoi on voit apparaître une métastase dans le poumon et pas ailleurs, et pourquoi certaines répondent au traitement et d'autres pas? Parce que tout ça, c'est à chaque fois, c'est comme un microcosme entre la cellule cancéreuse, les vaisseaux qui l'alimentent, toutes les cellules qui sont autour, le système immunitaire qui est autour. On en parle beaucoup et on l'utilise beaucoup, notamment dans le mélanome et dans plein d'autres cancers. Et il y a vraiment comme un petit village autour qui s'organise et qui fait que ça marche pour la cellule tumorale ou ça marche pas. Alors quelquefois, heureusement, ça marche pas, elle finit par être détruite, pas pouvoir pousser, pas pouvoir proliférer, et puis quelquefois, les choses s'organisent bien pour elle, entre guillemets, et on voit apparaître un petit nodule qui pousse, qui devient une plus grosse boule et qui va finir par poser des problèmes. Et c'est toute la complexité de pas, on peut pas prendre une cellule tumorale, la mettre dans une boîte de pétri et dire, oh, j'ai trouvé un médicament, super, ça va marcher. Parce que quand on va la mettre dans un organisme vivant, avec un système immunitaire, avec des tas d'autres cellules autour, ça va peut-être pas marcher. Donc c'est pour ça que c'est complexe et c'est pour ça qu'on a besoin de toujours, à chaque fois qu'on veut tester une manœuvre thérapeutique, faut voir si, par ailleurs, on va pas faire quelque chose de délétère sur un autre système, bon, la toxicité générale, mais aussi si on va pas agir sur la furtivité vis-à-vis du système immunitaire ou d'autres choses. Donc, voilà, c'est complexe. Alors, chacun, dans nos laboratoires, on essaye d'étudier des mécanismes différents, mais c'est vrai qu'à un moment, il faut intégrer tout ça. Et d'où l'intérêt vraiment de travailler à plusieurs et de faire des collaborations pour pas faut pas prendre en compte une seule chose. Mmh. Peut-être qu'on peut parler un peu avec vous deux, Fatima Mechta Grigoriou, avec vous pour commencer sur ce que sont ces différentes formes de résistance au niveau cellulaire ou au niveau moléculaire, parce qu'il y a tout un tas de stratégies. On ne va évidemment pas avoir le temps de les examiner toutes les unes après les autres, mais qu'est-ce que c'est qu'une cellule résistante primaire? C'est-à-dire comment se fait-il que certains cancers résistent comme ça a priori? Est-ce qu'il y a certains cancers qui résistent mieux que d'autres? Et ensuite, on parlera des stratégies des cancers pour arriver à ce que vous appeliez tout à l'heure la résistance secondaire. Alors, en ce qui concerne les résistances primaires, il y a aussi parfois une inadéquation, on va dire, entre les altérations ou certaines altérations qui peuvent être dominantes dans certains types de cancers et puis d'autres altérations qui peuvent en fait être présentes et qui vont empêcher le traitement de fonctionner. D'où l'importance de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'étude vraiment des anomalies génétiques majeures qui font partie de la tumeur, en fait, indépendamment de son étiologie, indépendamment de sa localisation. On disait par exemple pour les cancers du sein, mais c'est vrai aussi sur le mélanome métastatique, Caroline en parlerait bien mieux que moi, où sont utilisés des inhibiteurs de BRAF, mais qui ne peuvent être que prescrits qu'aux patients en fait qui sont porteurs de certaines mutations de ce gène BRAF. Sinon les autres ce gène, pardon, excusez-moi, quel gène exactement, j'ai mal compris? Ah pardon, ça s'appelle le gène BRAF. Bon, c'est un petit jargon de clinicien et biologiste. Et qui est un gène qui fait quoi exactement? C'est un gène qui en fait est important pour une voie de signalisation qui s'appelle la voie MEC-R. C'est un gène qui participe à une signalisation cytoplasmique qui va induire une voie, donc la voie des MAP kinases, qui est un ensemble de voies de signalisation qui vont activer des facteurs de transcription et ensuite activer les génomes. Donc c'est un facteur qui est extrêmement important. Mais en fait, cette mutation en fait intervient donc dans les mélanomes métastatiques, est environ, je crois, Caroline saura pas mieux que moi, mais je crois que c'est 35%. Oui, Caroline Robert. Oui, c'est 50% des mélanomes à peu près. D'accord, qui présentent cette voie particulièrement là mutée, c'est cela. Oui, voilà. Et si vous voulez, si vous utilisez, elle est particulièrement activée chez ces patients, du coup, vous avez un arsenal thérapeutique qui vous permet d'inhiber cette voie de signalisation. Mais dans 50% des autres patients, ce n'est pas le cas. Donc, si ces patients étaient traités, ce serait une résistance primaire. Donc, c'est important, en fait, ces anomalies génétiques qui ont été identifiées, notamment toutes ces dernières années, et qui sont mises en place en clinique, sont importantes, en fait, pour pouvoir éviter ces résistances. Ce qui veut dire, en fait, si je vous entends bien l'une et l'autre, qu'aujourd'hui, pour traiter un cancer, la phase initiale essentielle, se passe au moment de la biopsie, c'est-à-dire de l'identification précise génétique du type de cancer particulier, de la sous-catégorie entre guillemets de la tumeur que l'on développe dans la grande famille de tumeurs qui est celle dont on souffre, Caroline Robert. Oui, ça c'est dans le cas idéal quand on connaît les anomalies biologiques. Et effectivement, pour traiter un mélanome métastatique, première chose, est-ce qu'il y a une mutation de BRAF? Donc si on va donner un traitement anti-BRAF, donc c'est des comprimés, en général ça va marcher pendant en moyenne un an et demi. Et puis après, cette voie dont on parle, donc Fatima nous décrit la voie des MAP kinases. Eh bien, à un moment, c'est comme si vous preniez le métro, vous prenez la ligne 6, et puis il y a un accident sur la ligne 6, bah vous allez prendre la ligne 4. C'est pareil, en fait. La voie de signalisation, elle trouve une autre façon d'arriver au même endroit pour finalement aller dans le noyau et entraîner la fabrication de facteurs qui vont permettre à la cellule de proliférer. C'est ça le problème. Il y aura toujours une issue, presque toujours, parce que la cellule va s'adapter. Et en fait, ça, c'est le gros problème. Et ça cause la résistance secondaire. C'est ça. Et on arrive à la résistance secondaire. C'est intéressant, justement, comme tous les mercredis, vous qui avez l'habitude de nous suivre, vous le savez, on arrive à mi-parcours. Et pour parler de ces différents mécanismes de résistance, nous allons faire appel à un doctorant qui va nous en parler, parce que c'est l'objet de ses travaux et c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous recevons Damien Glon, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur le rôle de la modulation de l'immunité innée et de l'autophagie par la protéine virale BHRF1, justement en cours de lymphome lié à l'EBV résistant au traitement. Vous êtes en troisième année de thèse à l'Institut de biologie intégrative de la cellule. C'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous. Donc, premièrement, je tiens à remercier France Culture pour l'opportunité qui m'est donnée aujourd'hui de présenter mon sujet de thèse. Vous êtes le bienvenu. Donc, comme vous l'avez dit. Comment ? Vous êtes le bienvenu, disais-je. Mais je vous laisse continuer. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Alors, donc, comme vous l'avez dit, je réalise ma thèse à l'I2BC sous la direction du professeur Audrey Sclatine. Et dans mon équipe de recherche, nous nous intéressons à une famille de virus en particulier, qui est la famille des herpesvirus. Donc, cette famille, elle comporte 8 membres infectant l'homme. Et pour ma part, je travaille sur le virus Epstein-Barr, que j'abrégerai EBV par la suite. Donc l'EBV, c'est certainement un nom qui ne vous dit pas grand-chose. Néanmoins, il s'avère que la quasi-totalité de la population adulte et donc de nos auditeurs ont rencontré ce virus dans leur vie et en est même encore porteur à l'heure actuelle. Car il faut savoir qu'une fois infecté par ce virus, on ne s'en débarrasse jamais. Car comme tous les membres de la famille des herpès, il s'agit d'un virus qui va persister dans notre organisme dans un état de dormance, c'est ce qu'on appelle la latence. Et donc, d'un point de vue clinique, l'infection par l'EBV va dans la grande majorité des cas passer inaperçue, ou si elle intervient à partir de l'adolescence, elle peut donner lieu à la mononucléose infectieuse, plus connue sous le nom de la maladie du EBV. Mais le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, c'est la capacité de l'EBV à causer certains cancers. Car l'EBV fut, dans les années 60, le premier virus responsable de tumeurs chez l'homme à avoir été découvert. Par exemple, les infections latentes à EBV sont associées à différents types de cancers, comme par exemple des cancers du sang, donc ça sera des lymphomes avec le plus décrit étant le lymphome de Burkitt, qui touche principalement les enfants, ou encore l'EBV est responsable de cancers du nasopharynx. Donc maintenant que vous êtes un peu plus familier avec ce virus et les maladies qu'il cause, je vais pouvoir vous expliquer en quoi consiste mon doctorat et quels en sont les objectifs. Donc je m'intéresse à une protéine particulière de ce virus qui s'appelle la protéine BHRF1. Donc pourquoi cette protéine plutôt qu'une autre ? Simplement car il a été démontré en 2009 par une équipe japonaise que certains cancers dus à l'EBV où l'on détecte la présence de cette protéine BHRF1 étaient des cancers plus résistants à la chimiothérapie, mais également plus agressifs. Et donc l'objectif de ma thèse, c'est de réaliser de la recherche fondamentale visant à identifier comment agit cette protéine dans notre organisme afin de mieux comprendre le mécanisme de résistance de ces cancers. Et donc par des techniques de biologie cellulaire, nous avons déjà bien décortiqué le mécanisme d'action de cette protéine et nous avons démontré plusieurs fonctions qui expliqueraient comment BHRF1 rendrait ces cancers plus résistants. Donc par cancer plus résistant, j'entends comment BHRF1 pourrait prolonger la durée de vie de ces cellules afin de les rendre immortelles. Donc il était déjà connu précédemment que BHRF1 bloque la mort cellulaire. En revanche, nous avons découvert au laboratoire que BHRF1 est également en mesure d'induire de l'autophagie, c'est-à-dire induire un processus de recyclage qui améliore la survie cellulaire. Donc cette induction de l'autophagie aboutit également à la séquestration et à la dégradation d'une partie des mitochondries de la cellule. Donc les mitochondries, ça correspond aux petites usines à énergie de nos cellules et qui répondent à différentes fonctions. Et nous avons démontré que cet impact de BHRF1 sur les mitochondries conduit à une diminution des défenses immunitaires de la cellule, car BHRF1 va venir bloquer la synthèse de cytokines interféron, qui est une molécule à propriété antivirale, mais qui est également connue pour ses propriétés antiprolifératives, c'est-à-dire qu'elle va limiter la multiplication des cellules. Donc BHRF1, en bloquant la synthèse des interférons, pourrait favoriser la multiplication de cellules potentiellement cancéreuses. Ainsi, l'ensemble de ces trois fonctions, donc l'inhibition de la mort cellulaire, induction de l'autophagie et blocage de l'interféron, toutes ces fonctions convergent toutes vers un potentiel oncogène accru. Et actuellement, nous travaillons sur un modèle de cellules cancéreuses issues de patients ayant un lymphome de Burkitt afin de confirmer les nouvelles fonctions de BHRF1 que nous avons mises en évidence. Et en conclusion, j'espère que le fruit de mes recherches permettra d'offrir de nouvelles cibles thérapeutiques dans le traitement de ces cancers résistants. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation. Damien, peut-être une réaction à ces travaux, Fatima Mechta-Grigoriou ? Oui, en fait, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on ce qu'on voit là, c'est qu'on voit le lien entre et l'importance en fait du lien entre les cellules tumorales et les cellules normales qui font partie de la tumeur et qui doivent être ciblées. Et Caroline est une experte mondialement reconnue pour ses travaux sur les traitements avec l'immunothérapie dans le mélanome métastatique. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment impressionnant pour ces travaux-là. Et j'ai beaucoup aimé l'image qu'elle a utilisée tout à l'heure, justement, de village pour représenter une tumeur. Et en fait, les cellules tumorales sont le chef du village qui, finalement, mettent un peu tout le monde à leur service Et donc, ces cellules cancéreuses, donc porteuses d'altérations génétiques, vont modifier les cellules de l'environnement pour les détourner à leur profit. Et ça, du coup, elles mettent les cellules immunitaires en sommeil et elles favorisent en fait aussi d'autres types cellulaires pour améliorer la prolifération et la dissémination des cellules cancéreuses. Mmh. Et là, ce qu'on voit dans le travail de cette étudiante, c'est justement comment tout mettre en concert de façon à lutter contre les cellules cancéreuses. Là, atteindre leur métabolisme, on vient peut-être revenir un tout petit peu sur le métabolisme des cellules cancéreuses, parce que c'est un point qui peut être extrêmement important. On y reviendra plus tard. Utiliser l'immunité pour pouvoir justement lutter contre les cellules tumorales, rebooster le système immunitaire du patient de façon à essayer de le réveiller à nouveau pour qu'il lutte contre les cellules tumorales. Et il faut qu'on parle dans l'avenir de lutter contre un autre type cellulaire qui est un tissu de soutien qui est très abondant dans les tumeurs et qui participe un peu à la résistance aussi à l'immunothérapie. Les fibroblastes, on va en reparler dans un instant. Ouais. Ce que j'aimais bien dans le travail, c'est que justement, on voit l'impact, le fait d'agir contre toutes ces cellules, qui, à mon avis, est important. Caroline Robert, en un mot sur ces travaux, justement, et puis on aura le temps de revenir sur tout ça dans la deuxième partie de l'émission. Oui, moi, j'aurais pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Fatima. Effectivement, c'est une piste très intéressante qui fait comprendre qu'il y a plusieurs cellules, plusieurs choses en cause. Ce que je voudrais peut-être, la chose sur laquelle je voudrais insister, Fatima en a parlé, la plasticité, c'est aussi pour ça que nous, du côté de la clinique, on essaye vraiment de pas donner le traitement et après se frotter les mains et se dire c'est bon. On suit les choses et on essaye même de voir les choses quand on les voit plus, je dirais. Il faut essayer de faire... C'est pour ça qu'on propose aux patients de faire des biopsies au cours du traitement, quand c'est en train de répondre, parce qu'on veut comprendre pourquoi monsieur un tel va répondre et madame un tel va pas répondre, alors que ça a l'air d'être la même chose, c'est le même type de tumeur initialement, mais ça va être très différent. Il y a un grand travail donc sur l'évolution au cours du temps et les patients comprennent bien ça. Ça peut être un peu pénible parce qu'on vous fait des biopsies, c'est pas très drôle, c'est des piqûres, mais on est obligé de faire ça parce que les choses n'arrêtent pas de changer au cours du temps pour plein de raisons différentes. Et ça, c'est très important, cette dynamique. En fait, le temps, souvent, c'est une variable qu'on oublie. Alors que, bon, on devrait pas, en fait. On va continuer à parler de ces cancers résistants. On va voir que, bien, il y a des stratégies thérapeutiques pour essayer de contourner ces résistances, parfois au long cours, parfois de manière un peu plus brève. On va continuer à explorer tout ça en compagnie de deux invités dans la deuxième partie de l'émission. Falaise, devant l'horizon qui apaise, à rêver, à rêver. La tête posée sur mon épaule, on se réveille à tour de rôle, pour veiller. Vague nous berce vers la nuit bleue. On reste assis là tous les deux, à rêver, à rêver. La La falaise d'Antoine Villoutrex à 16h40 déjà sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure des cancers résistants. Nous en parlons avec Caroline Robert, chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy et à l'Université Paris Sud, co-directrice de l'équipe de recherche sur le mélanome à l'INSERM, et Fatima Mechta-Grigoriou, directrice de recherche INSERM, responsable de l'équipe stress et cancer à l'Institut Curie. Alors on va bien sûr s'intéresser à la recherche de traitements contre ces cancers résistants, comme je vous le disais à l'instant. À commencer par celui du sein métastatique. Céline Lozen, vous vous êtes rendue à l'Institut Curie à la rencontre d'une équipe qui travaille sur la résistance aux traitements hormonaux. Bonjour. Bonjour Nicolas. En fait, oui, certains mécanismes de résistance ont une origine génétique. Elisabetta Marangoni et son équipe ont récemment découvert, à l'intérieur de biopsies de patientes, une surabondance d'une enzyme. Cette enzyme, codée par le gène PLK1, est en fait impliquée dans la prolifération des cellules tumorales. Après avoir compris ce lien entre ce gène et la tumeur, elle a ensuite pu tester la meilleure manière d'inhiber l'expression de ce gène. Elle a alors testé sur des modèles précliniques plusieurs médicaments existants. Résultat, elle a trouvé un médicament en particulier qui non seulement stoppe la croissance de la tumeur, mais permet aussi sa régression. Son étude a été publiée l'an dernier dans Nature et l'enjeu à présent est d'éprouver cette découverte dans une étude clinique. Ce sont des biopsies de tumeurs, parfois de métastases, qu'on arrive à faire pousser sur des souris immunodéficientes. Donc on a des modèles qu'on appelle des PDX, de l'anglais Patient-Derived Xenograft. Donc c'est des souris qui portent la tumeur des patientes. Et donc on peut utiliser pour étudier les caractéristiques biologiques des tumeurs et la réponse au traitement. Donc on peut utiliser ensuite ces modèles précliniques qui sont très pertinents parce que ça nous permet de travailler directement avec les échantillons des patients et d'identifier des nouvelles pistes thérapeutiques qu'on ne pourrait pas identifier facilement en travaillant dans les essais cliniques. Alors vous et votre équipe, vous avez réussi à mettre en évidence un mécanisme, enfin l'action d'une enzyme qui permet la prolifération de cette tumeur du sang. Oui, alors on a effectivement analysé une série de biopsies de métastases de cancer du sein. Et en fait, on a identifié dans cette série de biopsies une augmentation de l'expression d'un gène qui s'appelle PLK1 et qui est fortement impliqué dans la régulation de la prolifération cellulaire. C'est-à-dire que quand ce gène est fortement exprimé, les cellules prolifèrent plus vite. Et donc, une fois qu'on a identifié ce gène, on a testé des médicaments pour cibler, pour bloquer la fonction de ce gène particulier. Et on a ainsi pu découvrir que une fois qu'on cible ce gène, non seulement la tumeur s'arrête de proliférer, mais elle régresse. Donc c'est vraiment avec un médicament qui existe déjà du coup. C'est un médicament qui est en essai clinique pour d'autres pathologies, pour d'autres cancers, mais pas pour le cancer du sein. Donc ce que nous essayons maintenant de faire, c'est de construire un essai clinique pour pouvoir tester ce médicament dans le cancer du sein métastatique. Concrètement, comment ça se passe quand il y a eu un prélèvement de biopsie effectué par les chirurgiens? Quelle est la chaîne jusqu'à vous, en fait, jusqu'à l'analyse sur la paillasse? Alors, la chaîne, c'est que, bien évidemment, les prélèvements sont faits pour des raisons médicales. Et quand il y a du matériel en plus, tout ce qui est diagnostic, etc., on récupère ce matériel au laboratoire qui se trouve dans le même bâtiment. Et ensuite, on va à l'animalerie et on le greffe dans les souris. Et quand ça pousse, on peut par la suite faire toutes les analyses dans le cadre d'un projet donné. Alors du coup, comme on ne peut pas se rendre à l'animalerie, on va se pencher un peu sur votre publication. Donc dans cette première figure, en fait, on voit un petit peu comment on est arrivé à émettre l'hypothèse que PLK1 pouvait être une cible thérapeutique. C'est-à-dire qu'on a analysé le transcriptome, c'est-à-dire l'ensemble des gènes des tumeurs, en le comparant aux tumeurs des patientes à un stade beaucoup plus précoce. Et c'est là qu'on a découvert qu'il y avait une augmentation de l'expression de différents gènes impliqués dans le cycle cellulaire, en particulier de ce gène-là, qui était beaucoup plus exprimé dans les métastases résistant à l'hormonothérapie par rapport aux tumeurs du sein de plusieurs années auparavant, quand elles étaient encore hormonosensibles. Et donc, on a identifié cette surexpression, ce qui nous a fait soupçonner qu'elle pouvait être associée à la résistance et que donc le fait de la cibler pouvait stopper ou inhiber la croissance de ces métastases. Donc, votre hypothèse à la base, c'était un lien et pas forcément une cause? C'est pas forcément une cause de la résistance au traitement. Mais pourtant, vous avez montré qu'en ciblant cette enzyme, on faisait disparaître la tumeur. Oui, on l'a fait disparaître, mais on n'a pas restauré la sensibilité à l'hormonothérapie. Donc, c'est pas un mécanisme de résistance au traitement, mais c'est quelque chose qui est quand même important parce que c'est associé à la résistance. Donc, quand on le cible, le médicament, lui, tout seul, il est capable de faire régresser la tumeur. Donc, c'est associé à l'hormone résistante, mais il n'y a pas une relation de cause-effet. Et donc, voilà, donc, dans cette figure, vous pouvez voir que la tumeur, quand elle est traitée par différents traitements, elle a différents types de réponses. On peut comparer, c'est ça que vous pouvez faire avec les essais précliniques. Vous pouvez amplifier sans limite une tumeur, créer plusieurs bras de traitement précliniques dans les souris. Là, en l'occurrence, on a testé 6 ou 7 traitements différents et comparer directement ces traitements entre eux dans la même tumeur. Et c'est en faisant ça, donc, on a comparé l'efficacité de l'inhibiteur de PLK1 qui s'appelle volasertib. Et là, vous voyez que la tumeur disparaît complètement. C'est la courbe orange qui mesure le volume de la tumeur en fonction du temps pendant lequel le traitement est donné. Donc là, vous voyez qu'après 40 jours de traitement, la tumeur a disparu. Et on a d'autres cas, dans d'autres types de modèles précliniques qui répondent au traitement avec une disparition de la tumeur, là encore, en 40-50 jours. Et voilà ce reportage à l'Institut Curie avec Elisabetta Marangoli. Une réaction, évidemment, je me retourne vers vous, Fatima Mechta-Grigoriou. Oui, je pense que c'est un travail extrêmement important où ce qui est démontré, c'est vraiment l'impact de la recherche fondamentale en lien avec les médecins pour une meilleure compréhension de la pathologie tumorale, là en l'occurrence la pathologie mammaire. Ce qui était intéressant aussi là, dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a le développement d'un essai clinique, ou en tout cas c'est en cours de développement, donc on voit vraiment en fait qu'il y a des conséquences directes de cette bonne connaissance sur l'application clinique immédiate qu'elle peut avoir. Mais ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est ce que disait à la fin Elisabetta sur la notion de pas de lien de cause à effet de cette nouvelle mutation sur la résistance à l'hormonothérapie. Mmh. Mais par contre, du coup, ça donne un nouvel axe thérapeutique qui, de toute façon, est intéressant parce que ça nous permet de tuer les cellules tumorales. Donc, c'est ça que je trouve assez intéressant dans la connaissance aiguë là qu'elle a de cette nouvelle mutation. C'est qu'en fait, elle dit bien, c'est associé à la résistance. Ce n'est pas la cause de la résistance, mais c'est pas grave. Ça nous donne de toute façon un nouvel axe pour vaincre les cellules tumorales. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Caroline Robert, une réaction? Oui, moi aussi, je trouve ça intéressant. Mais néanmoins, une cible, on sait quand même depuis longtemps que quand on cible une seule molécule, on va immanquablement avoir des cellules qui vont développer des résistances, soit parce qu'elles les ont déjà et que c'est une population hétérogène, soit parce que il va y avoir une adaptation à ce traitement. Donc c'est un peu ce qu'on vit tout le temps avec nos traitements ciblés. Ça marche, et puis comme je vous disais, il y a une autre voie de signalisation qui s'active, et c'est pour ça que maintenant, moi je crois beaucoup au traitement séquentiel. Alors, je crois que comme disait Fatima, il faut s'adapter à la maladie, il faut voir à chaque fois où elle va aller. Nous par exemple, dans le mélanome, on donne des traitements ciblés, ça marche extrêmement bien, et on fait des essais cliniques où au bout de 3 mois, on change pour un traitement par immunothérapie qui lui a des réponses favorables moins souvent, mais dont les réponses sont plus longues. Et donc, on évalue ça par rapport à d'autres traitements. Et il faut vraiment être plus intelligent que ces cancers et essayer de les assaillir par plusieurs moyens. Par plusieurs angles. C'est ça que vous appelez, Caroline Robert, des traitements séquencés, c'est-à-dire qu'on séquence différentes formes de thérapie cumulative, Exactement. En fait, qui s'attaque à différentes cibles et qui permettent finalement d'affaiblir progressivement, pied à pied, la tumeur et l'empêcher finalement de résister ou en tout cas de s'adapter trop vite. Exactement. Et par exemple, encore une fois dans l'exemple du mélanome, mais on retrouve ça aussi dans le cancer du poumon parce qu'on donne aussi des traitements ciblés, on a des traitements très efficaces, donc on croit que tout est parti. Et puis en fait, si on regarde bien, chez le patient, on voit plus rien, mais on voit que ça réapparaît plus tard. Et dans la boîte de Pétri, si on regarde bien au fond de la boîte, il y a 10% de cellules qui restent là, un peu discrètes, cachées, qui ne prolifèrent plus et qui ont en fait, on parle beaucoup de l'ARN messager en ce moment. Mmh. Nous, on a étudié un peu la façon dont les ARN messagers de ces cellules étaient traduits en protéines. Et en gros, ils sont vraiment très endormis. Il y a très peu d'ARN messagers qui sont traduits en protéines, mais il y a un sous-groupe qui est lui activement traduit. Et comme par hasard, ces protéines qui sont là et qui font leur travail, elles agissent sur la chromatine, sur le noyau. Mmh. Elles font, si vous voulez, elles aident à ce que, à un moment, il y a un mécanisme de résistance qui puisse sortir. Et nous, par exemple, enfin, c'est vraiment un modèle, le mélanome, mais je pense que c'est un modèle qui pourra être utilisé pour d'autres cancers avec Stéphane Wagner qui dirige l'équipe avec moi et qui d'ailleurs est aussi à Curie. On essaye d'agir sur ce mécanisme de la traduction préférentielle de certains ARN messagers qui vont conduire à la résistance. Ça, c'est un exemple de stratégie. Mmh. On va continuer. J'aimerais qu'on dise un mot aussi parce qu'on l'évoquait juste avant la pause musicale, Fatima Mechta-Grigoriou, et c'est effectivement un type de cellule qui est souvent problématique dans les cancers résistants. On parle des fibroblastes. Qu'est-ce que c'est que ces cellules et comment est-ce que on peut s'y attaquer pour éviter justement ou pour contourner les mécaniques de résistance? Oui, alors c'est des cellules en fait qui sont des cellules extrêmement abondantes dans les tumeurs, notamment les tumeurs solides. Et en fait, ce sont des cellules qui favorisent la propagation métastatique et qui réduisent l'activité du système immunitaire. Et on sait maintenant, en tout cas pour certaines d'entre elles, pas toutes, il y en a certaines qui sont extrêmement délétères pour le patient. Et on sait maintenant que certaines de ces cellules aussi favorisent la résistance à l'immunothérapie. Et donc, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est que quand ces cellules-là sont présentes et que le patient risque de ne pas répondre à l'immunothérapie, le but, ce serait de développer des stratégies thérapeutiques contre ces fameux fibroblastes. Or, pour l'instant, c'est pas tellement... c'est pas du tout développé. Donc, nous, on essaye de développer un essai clinique en ce sens pour cibler précisément ces fibroblastes qui sont des fibroblastes favorisant la résistance à l'immunothérapie de façon à permettre à l'immunothérapie de fonctionner. Donc, c'est vraiment des études qui sont en cours. Là encore, c'est vraiment de la recherche fondamentale qui vise à aller vers une amélioration de la prise en charge du patient. Mais je reviens tout à fait sur ce que disait Caroline. Je pense qu'en fait, cette adaptation du traitement et ces traitements séquentiels sont certainement des traitements qui sont dans les perspectives thérapeutiques les plus prometteuses, tout à fait. Et on en revient peut-être à ce que j'évoquais au tout début, hein, parfois cette incompréhension des patients au changement ou à la modification à plusieurs reprises de leur traitement. Il faut bien comprendre que c'est ce dont on parle là et c'est une façon, au contraire, ça n'est pas de l'hésitation thérapeutique, mais au contraire, bien sûr, la volonté d'additionner différents types de traitements, de séquencer différents types de traitement pour mieux circonscrire la tumeur. Un mot peut-être sur cette recherche sur les fibroblastes, Caroline Robert. J'en profite d'ailleurs pour préciser à nos auditrices et nos auditeurs que nous avions consacré une émission entière à la question des métastases et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter que vous pouvez réécouter qui, je dois dire, moi me résonne, nos discussions résonnent beaucoup avec cette émission que nous avions consacrée aux métastases et je pense que les deux émissions fonctionnent de manière assez complémentaire. Mais Caroline Robert, sur cette question des fibroblastes. Mais oui, moi je trouve qu'effectivement ça fait partie. D'ailleurs, les fibroblastes, c'est des acteurs très très importants qu'on oublie un peu parce qu'ils sont partout. Quand on veut quand on veut mettre des cellules en culture, quelquefois on est inondé de fibroblastes et on aurait tort de croire que c'est pas important parce que justement ils sont très plastiques, ils peuvent faire beaucoup de choses et ils peuvent faire du bon comme du mauvais. Mais c'est quoi en deux mots, excusez-moi de vous interrompre, c'est quoi exactement que ces fibroblastes en quelques mots pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que on en retrouve autant dès qu'il commence à y avoir du développement tumoral? Ben en fait c'est quand même des cellules, des tissus de soutien, des tissus conjonctifs, par exemple le derme est plein de fibroblastes, c'est eux qui fabriquent les fibres de collagène, c'est eux qui fabriquent tout le tissu conjonctif de soutien, il y en a dans tous nos tissus et ils ont des formes et des fonctions différentes, ils s'adaptent à beaucoup de situations et ils ont également des fonctions immunitaires, ils ont des fonctions endocrines d'une certaine façon parce qu'ils fabriquent des tas de substances qui vont ensuite agir sur les cellules d'à côté mais aussi à distance et ces cellules, je pense que Fatima a vraiment pour en parler mieux que moi, mais c'est évident qu'elles sont très importantes et qu'il faut reconnaître les bons des mauvais et d'ailleurs, nous, on utilise en cancérologie des médicaments qui bloquent ce qu'on appelle le FGF récepteur, fibroblast growth factor récepteur, les facteurs de croissance pour les fibroblastes, qui montrent bien que c'est extrêmement important en cancérologie d'essayer de bloquer certaines voies de signalisation qui touchent ces cellules. Ouais. Fatima Mechta-Grigoriou, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais peut-être ajouter deux petites choses pour un peu l'espoir du futur. Oui, ça tombe bien parce que je précise qu'on arrive à la fin de cette émission, donc deux petites choses justement pour ouvrir un peu à l'espoir et au traitement de ces cancers résistants. Je vous laisse poursuivre. Oui, donc en fait, par rapport à l'adaptation des cellules et donc leur prise en charge séquentielle et donc adaptative du traitement, je pense qu'il y a aussi un point qui est important, qui a été mentionné tout à l'heure, qui est la détection, en fait, de ce qui peut apparaître au cours du traitement et les mutations nouvellement acquises au cours du traitement. Et en fait, il y a notamment toutes les biopsies liquides, donc c'est-à-dire le fait de détecter ces mutations dans le sang des patients. Et ça, par exemple, il y a des essais cliniques à l'Institut Curie, Padawan notamment, qui dans les cancers du sein permettent de mesurer l'apparition dans le sang des mutations d'un gène qui est muté dans 30% des cas et qui va générer une résistance. Donc plus on va détecter tôt, mieux ce sera pour la patiente. Et l'autre point que peut-être je voulais justement abonder dans le sens de ce que disait Caroline sur le fait de définir l'hétérogénéité des cellules, des tumeurs au fur et à mesure du temps, en définissant les profils moléculaires, l'hétérogénéité spatiale et temporelle. Et ça peut se faire dans des instituts comme les nôtres, à l'Institut Curie par exemple, notamment avec des médecins comme Anne-Vincent Salomon, qui sont en fait des gens qui prennent en charge cette hétérogénéité dans leur service de diagnostic moléculaire et pathologique. Donc je pense qu'il faut quand même donner de l'espoir aux gens. Les cancers seront des maladies sur lesquelles, petit à petit, on réussira à adapter le traitement. Et donc, les patients vivront de plus en plus longtemps. Oui, j'ai envie de terminer. Bien sûr, mais vous avez tout à fait raison. Et c'est sûr, on ouvre un vin comme sur quelque chose dont on parle souvent, c'est-à-dire cette médecine très personnalisée, c'est-à-dire finalement réussir à déterminer le mieux, avec précision, la nature exacte du cancer et donc la thérapie précise qui permettra exactement d'intervenir sur bien la tumeur que l'on a soi-même. Un mot peut-être là aussi très très rapidement de conclusion, Caroline Robert, dans ce sens-là. Dans ce sens-là, justement, on progresse en biologie et on trouve des anomalies moléculaires transtumeurs. Par exemple, on sait qu'il y a des différents cancers de différents types, différents organes qui partagent la même anomalie, c'est-à-dire l'incapacité de réparer certaines anomalies de l'ADN et on peut les traiter avec le même médicament qui marche très bien. C'est des anticorps anti-PD1. Donc ça montre bien les progrès énormes de la science pour traiter des cancers et qui vont nous faire une classification différente. Mmh. Et beaucoup de travail sur les biomarqueurs prédictifs parce que, disons, on n'arrivera peut-être pas à soigner tous les cancers d'un certain type, mais on va les classer mieux pour cibler mieux nos traitements. Donc ça, c'est un travail qui se fait en parallèle. Merci beaucoup, en tout cas, à toutes les deux. Merci Caroline Robert, merci Fatima Mechta-Grigoriou d'être venue nous parler de la recherche. Vraiment, moi, je suis toujours assez impressionné par la précision et la façon dont on avance dans la connaissance de ces mécaniques tumorales si complexes. Merci vraiment beaucoup d'être venue nous permettre de faire le point là-dessus à la veille de cette journée mondiale de lutte contre le cancer. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandre Morales, Eve Etienne, Céline Delphine Lezen, Minéguet Saint-Vulfran, Natacha Triou, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Ludovic Auger à la technique. Demain, allez, on n'arrête pas de vous en parler depuis une semaine et pour cause, puisque c'est demain que nous aurons la chance de nous entretenir avec celui qui est aujourd'hui peut-être le plus célèbre vulgarisateur astrophysique au monde, n'en déplaise à Sébastien Carassou. Neil deGrasse Tyson sera notre invité spécial pour une heure entière d'entretien. Ne ratez cela pour rien au monde, s'il vous plaît, tout de suite. Synchronisation des montres, demain, 16h, jusqu'à preuve du contraire.